Hola la Music, amb Rafael Corbí i un programa dedicat a la música en francès. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits. Benvinguts i retrobats i retrobades, benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Hola la Music, el vostre espai de música en francès. Com sempre, molta música i poques paraules per acompanyar-vos en la nostra edició número 94, que avui obrirà les seves portes amb un disc de Stone i Chardin. Des del 2011 i en directe, amb alguna de les seves cançons més recordades. Aquest duo de música pop francesa, A. Chardin, nascut el 1942, i Annie Stone Gautreau, nascuda el 1947, van tenir més èxit, més important, a la dècada dels 70, i avui els recordarem al començament del nostre espai. Toi, petit naguère, dans l'eau des rivières, tu aimais bien te baigner. Souvenir d'enfance, car tu y balances tout ce qui peut te gêner. Tu aimais les arbres, l'herbe et la rhubarbe, maintenant que tu es grand. Tu construis des villes, des automobiles, il n'y a pas meilleur des herbants. Toi, petit naguère, tu rêvais de faire le voyage des oiseaux. Tu grandis, tu penses, c'est sans importance que de les boucler aux os. Il suffit d'admettre, quand on est le maître, que la prison c'est normal. Mais qui est en cage derrière le grillage de l'homme ou de l'animal? Comme le meunier fait son pain, le jardinier son jardin. Toi comme un bon artisan, fais ta vie en se disant comme on fait sans lui, on se couche. Le meunier fait de son pain sa tartine du matin. Mais s'il reste dans son lit, il est condamné aussi avec les autres à manger du pain rassis. Rassis. Semblait naguère bien joufflu comme un melon. Voilà qu'avec l'âge, tu veux, c'est dommage, t'en servir comme d'un ballon. Tu te tends la perche, tu vas et tu cherches, tu accuses à tout propos. Regarde ta glace, personne à ta place ne veut porter le chapeau. Comme le meunier fait son pain, le jardinier son jardin. Toi comme un bon artisan, fais ta vie en se disant comme on fait sans lui à sa couche. Le meunier fait de son pain sa tartine du matin. Mais s'il reste dans son lit, il est condamné aussi avec les autres à manger du pain rassis, rassis. Comme le meunier fait son pain, fais ta vie avec tes mains. Avec ton cœur de 10 ans, fais la bien en te disant comme on fait sans lui à sa couche. Son jardin, il ne faut pas se tromper. Si on sème un grain de blé, on récolte à coup sur un épi de blé. Dis donc, est-ce par hasard que t'es au promenoir ce soir? Ou bien, est-ce que t'as vu nos affiches dans les rues? C'est plus Rosie and John, c'est Chardin and Stone, tu sais. Et Chardin, il va bien, il a besoin de rien, tu sais. Excusez-moi, messieurs, mesdames, mais c'est Annie, c'était ma femme. Elle était dans un numéro, c'était quoi? Un duo. On s'aimait comme personne, c'était nous, Chardin and Stone. Mais la vie. Tout va trop vite,

On dit que bientôt il n'y aura plus d'essence. Moi je dis que c'est sans amour qu'elle est fichue la France. J'ai toujours chanté des chansons d'amour. La seule chose qui compte vraiment au fond c'est l'amour. Même le loupard le plus méchant, quand il descend de sa 500, met un franc dans le jukebox pour une chanson d'amour. On va tous chanter des chansons d'amour. La seule chose qui compte au fond c'est l'amour. Pour que la vie ce soit vraiment la fête, l'amour, l'amour, l'amour, faut le chanter à tue-tête. On va tous chanter des chansons d'amour. Si la terre tourne encore c'est peut-être par amour. Comme les petits gars de Liverpool, j'ai voulu chanter dans la foule. Je savais bien que toi, tu entendrais ma chanson d'amour. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est peut-être par amour. Comme les petits gars de Liverpool, j'ai voulu chanter dans la foule. Je savais bien que toi tu entendrais ma chanson d'amour. Une chanson c'est peu de choses, mais si on chante tous la même chose, alors la terre entière ne sera plus qu'une chanson d'amour. On va tous chanter des chansons d'amour. Et les joueuses d'accordéon, vive les balles et les flonflons. Vive la France, vive les pompiers et leurs pimpons, qui m'ont donné le grand frisson. Y'a de la joie, y'a du soleil et du ciel bleu partout. Y'a des oiseaux dans mon cœur qui fait boum. Y'a le fou chantant et y'a les clowns. Vive la France et les joueurs d'accordéon. Vive les balles et les flonflons. Vive leurs pimpons qui m'ont donné le grand frisson. Y'a des vaches et y'a des trains et y'a des vaches qui voient. Passer les trains, il y a dans les bois des amoureux qui donnent de la joie. Vive la France et les joueurs d'accordéon. Vive les balles et les flonflons. Vive la France, vive les pompiers et leurs pimpons qui m'ont donné le grand frisson. C'est lui qui m'a donné la joie d'aimer. C'est lui. Ah que c'est bon de vivre ici. Vive la France et les joueurs d'accordéon. Vive les balles et les flonflons. Vive la France, vive les pompiers et leurs pimpons qui m'ont donné le grand frisson. Hola la music amb Rafael Corbí. Vi. Doncs sí, seguim amb Hola la music. música en francès. Tom Chardin en directe ens acompanyaven durant tots aquests minuts el seu àlbum anomenat així Just Life, i una veu femenina preciosa ens acompanyarà, que ja ho ha fet alguna vegada amb el nostre programa i ho tornarà a fer, Amel Deng, la cantant nascuda el 21 de juny del 1985, el pare algerià, la mare marroquina i una bellesa innata, cantant, vocalista, compositora de pop, rhythm and blues, que va publicar un jour de té al seu disc del 2009, el seu tercer àlbum, pel qual escoltarem més d'una cançó també amb el programa d'avui. Chanter pour se dessiner un monde, c'est pas si loin le temps où je m'en allais errer, pour sentir des mélodies qui m'inondaient d'espoir. Je chantais pour oublier ta vie dans l'ombre, tu me regardes dans les yeux, me prends par la main et me souris enfin. Un geste, tu m'apaises, me réchauffe un peu, je suis bien. Mais est-ce vraiment ce que je veux? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil, mais je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Pleurer, pleurer mes amis, mes illusions, glorifier derrière les murs d'une prison dorée, mais garder l'envie, vivre ma passion. Ça c'est pas un écran de télévision. Et de l'ombre, je te regarde dans les yeux, et je te sens si fragile dans ton château d'argile. D'un geste, tu menaces, disparaît un peu, ainsi soit-il. Car c'est vraiment ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? ai-je eu raison de rayonner mon cœur, écouter mon intuition. Je dis pas que tu m'aimes pas, juste pas assez pour oublier les autres et faire de moi ta moitié. Aquesta primera cançó que hem escoltat, Je Vois, i després aquest La Mal de Toi, que també ens portava Mel Vent, aquesta increïble vocalista, a mi m'encanta la seva música, i per això des d'aquell Ma Filosofia hem anat escoltant diversos àlbums. Aquest, com hem dit, era el disc del 2009 que ens acompanyava. Escoltarem els 4 singles que han sortit d'aquest àlbum, ens en queden dos, Jamais Sans Gang i City de La, també és una de l'altra de les cançons que podem escoltar. J'ai trop souvent versé des larmes, effacé des miens tendres, que le destin me donne les armes, le courage de me défendre face aux gens qui me condamnent, qui me jugent et qui me blâment. Votre morale ne me fait plus rien, je me sens belle, je me sens bien, je veux crier ma joie de vivre. je me sens libérée de tous leurs préjugés. J'ai cassé mes chaînes et je reste fidèle à tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Je me sens belle, je me sens bien. Esteu escoltant Ulala Music.

I després d'aquesta cançó més coneguda d'aquest disc, que anem a conèixer altres aventures musicals que ens portava amb aquest disc del 2009. Jean-Louis Aubert amb aquesta cançó, Parla'm, i després amb una altra que es diu Un altre món. Ce qui nous vient de loin. Ce qui nous tient jamais ne nous appartient vraiment. Ce qui nous tue, gagné, perdu. Ce qu'on a cru, on en a perdu la vue, vraiment. Alors parle-moi, parle-moi de toi. Qui tu es? Qu'est-ce que tu veux? Où tu vas? Je dis parle-moi, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu dis? Fais entendre ta voix. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Ce qu'on nous vend, ce qu'on nous prend, qu'est-ce qui nous prend? On dirait qu'on n'a plus le temps à rien. Perdu de court, autant de cœur pur, on dirait qu'on n'a plus goût à rien. Parle-moi, parle-moi de toi. Parle-moi de tes doutes, de tes choix. Je dis parle-moi, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu dis plus fort? J'entends pas. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fout? Parle-moi, parle-moi de nous. Je sais bien qu'avec toi, j'irai n'importe où. Parle-moi de toi. Je ne voyais plus en pied, je rêvais réalité, ma réalité. Je rêvais d'une autre terre, qui resterait un mystère. Une terre moins terre à terre. Oui, je voulais tout foutre en l'air. Je marchais les yeux fermés. Je ne voyais plus mes pieds. Je rêvais réalité. Ma réalité. Bien futile, mais quand bouger la fait tourner, ma réalité m'a pardonné, m'a pardonné. M'a pardonné. Danse les ombres du monde, danse les ombres du monde. Danse les ombres du monde, danse les ombres du monde. Je dis danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. La tercera de les cançons que escoltàvem, Jean-Louis Aubert, i aquest àlbum que us portàvem avui 2009. Tancarem la presentació, el record d'aquest disc, amb la darrera cançó i després ja refilarem la recta final d'Hola la Music. Rien qu'au revoir, murmurer tout bas, en me serrant la main, et mon cœur blessé, suivi vos pas là-bas sur le chemin. Car vous n'avez jamais connu l'amour dont je souffrais. Jamais vous n'êtes revenu. Oh, vous que j'adorais. Pourquoi n'avez-vous pas surpris dans mes yeux mon secret? Hélas, si vous l'aviez compris, nos cœurs unis seraient heureux. Rien qu'au revoir, murmurer tout bas, en vous serrant la main, et c'est là, ce qu'il me reste, hélas, d'un doux rêve lointain. Maintenant je vis dans le passé, revoyant ce moment. Que rien n'a jamais effacé. Je vis en vous aimant. Pourquoi n'avez-vous pas surpris dans mes yeux mon secret? Hélas, si vous l'aviez compris, nos cœurs unis seraient. Hola la Music amb Rafael Corbí. Recte final de Hola la Music, música variada per aquesta setmana. Recte final, com hem dit, del nostre espai, un programa avui dedicat a la música de Stone Chardin, de Mel Venn i de Jean-Louis Aubert, però que amb aquests darrers instants fins al final és una mica un vol per altres tipus musicals, com aquesta cançó d'en Daniel Lavoie, que és un artista nascut el 17 de març de 1949, un cantant de la part francesa, canta en francès al Canadà, tot i que és nascut a Dunria, a Manitoba. Va debutar l'any 1967. L'escoltàvem amb aquest tema que acabeu de sentir. No és l'única cançó que escoltarem d'ara fins al final del programa. Encara ens queden un parell de temes, un dels quals serà de Jacques Zijeling amb la cançó caient C'est fini. plus de soucis. Cayenne, c'est fini. Pas de lettres de mon ami. Ce n'est peut-être qu'un oubli. Cayenne, c'est fini. Il y en a qui s'aiment jusqu'au martyr. Où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Les matons m'ont maté. J'ai plus de quoi me relever. Cayenne, bon, bon, bon. Cayenne, bon, bon, bon, bon. J'ai compris. Cayenne, bon, bon, bon, bon. C'est fini. Cayenne. Tant que j'attends ma remise de peine, y'a de la gangrène dans mes souvenirs. Vaut mieux en finir quand ça traîne. J'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Cayenne, c'est bien fini. Allez les mecs, au boulot. Allez les mecs, au boulot. Avec sa soupe. Cayenne, c'est fini. Soucis qui a fleuri à Cayenne. Cayenne, captivité pas bon. Cayenne, tentative d'évasion. Cayenne, la prison quadrillée. Cayenne, niquée par les képis. Cayenne, des matons, des catis. Cayenne, quasiment déphasé. Cayenne, plaidoirie kamikaze. Cayenne, l'avocat dégoûté. Cayenne, lui manquait quelques cases. Cayenne, système pénitentiaire. Cayenne, condamné l'accusé. Cayenne, a purgé lourde peine. Casser des cailloux à Cayenne. Casser des cailloux à Cayenne. Casser des cailloux à Cayenne. Casser des cailloux. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera. Ha estat tot per aquesta edició de Olala Music, el programa de música en francès que us arriba en aquesta sintonia. Annie Cordy ens acompanyarà amb la darrera cançó des del 1953. Bombons, caramels i xocolates. Un jour de la Martinique, nique, nique, tout pays. Une fille sympathique, tique, tique, vient ici. Avec le charme et la grâce, un peu lasse de là-bas. Elle se fit une petite place comme ouvreuse au cinéma. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Thank you.